Chapitre 4. Bernard. C'étaient tous les pêcheurs de la côte qui entouraient en gesticulant avec colère et en criant « Oui, oui, au feu, la maison du traître, au feu, au feu !» Quelques femmes criaient plus fort que les hommes, et l'une d'elles avait déjà la torche à la main. René, qui avait ouvert une fenêtre, la referma avant que Maria j'eût rien compris. Puis il fit signe à Marthe de l'entraîner dans la salle basse, et lui donnant le change par quelques mots adroits, il se précipita au-devant de l'émeute. Il était temps qu'il arrivât, et il fallut toute l'audace de sa mine pour arrêter les plus furieux. « Le premier qui approche est mort » dit-il en se crampant à la porte et en brandissant son épée sur sa tête. « Monsieur René, c'est Monsieur René !» s'écrièrent plusieurs voix, et ce nom fit plus d'effet que toutes les menaces. Néanmoins, les femmes continuaient de hurler « Point de grâce ! Au feu, la maison du traître !» René saisit une de ses mégères, lui arracha sa torche et fit reculer la bande à 20 pas. Assuré ainsi que Marie-Ange ne pouvait plus les entendre, « Voyons, que voulez-vous? Qu'est-il arrivé? Quel est le traître ?»« C'est M. Bernard. Il est passé aux Anglais. Il nous a vendus pour 1000 guinées. C'est lui qui vient mettre Saint-Malo en cendres, mais sa maison sera brûlée avant les autres. Au feu! Au feu !» Et René fut obligé de tirer l'épée pour la seconde fois. Enfin, il arracha le mot de l'énigme à l'un des chefs, tout en repoussant la foule jusqu'à cette place du village, d'où l'on embrasse la plus belle vue de Saint-Malo. La surveille, un schooner, sans pavillon, s'était montré près de la côte. Il y avait déposé notamment un espion de l'Angleterre, chargé d'offrir 1000 guinées au pilote assez lâche pour guider le brûlot infernal sous les murs de Saint-Malo. Or, M. Bernard, acceptant ce marché infâme, s'était embarqué avec l'espion sur le schooner anglais. « Et vous avez pu croire à une telle imposture ?» s'écria René avec le plus méprisant éclat de rire. « Monsieur Bernard, vendu aux Anglais. Monsieur Bernard qui les tue, les prend et les brûle sur toutes les mers depuis 40 ans. Monsieur Bernard, si fidèle à notre rocher que vous-même l'avez surnommé le chien de Saint-Malo. Au nom de Dieu, mes pauvres amis, qui vous a fait ce compte à dormir debout ?»« C'est moi, » répondit le jeune marin, au front ensanglanté. « Moi, qui, enlevé de force par les Anglais, et vu de mes yeux M. Bernard sur le schooner, et me suis évadé à la nage, sous une grêle de balles, prononcer cette trahison à mes compatriotes. Vous me connaissez bien, M. René, Pierre-Marie Le Gall, l'élève pilote que vous nommiez votre matelot. Nous avons assez pêché, bataillé et navigué de conserve en cette baie. C'est dans mon canot que votre père vous prit il y a 2 mois pour vous renvoyer en poste à l'école de Caen. Je lui avais bien prédit que vous n'y feriez pas long séjour. Mon canot est toujours à votre disposition, mais je vous prie de croire à mes paroles. » René demeura en effet confondu et serra silencieusement la main de son matelot. « Il y a là, dit-il ensuite, un mystère que je ne puis comprendre. » Mais tous deux persuadèrent aux pêcheurs que brûler la maison de Bernard serait en tout cas une lâcheté sans objet. La fille du pilote, cet ange du pays, était-elle coupable du crime de son père? Et ne valait-il pas mieux réserver aux Anglais toutes les vengeances? Bref, René exalta si bien la commisération des femmes et le patriotisme des hommes que celles-ci s'éloignèrent en criant « Vive Marie-Ange !» et cela en criant « Mort aux Anglais !»« Oui, mes amis, » poursuivit l'héroïque jeune homme, « mort aux Anglais !»« Qu'ils arrivent avec leur machine infernale, conduite par Bernard ou par tout autre, et moi je viendrai vous chercher pour défendre nos remparts. J'allais quitter cette nuit, Saint-Malo, mais j'y reste pour vaincre ou mourir avec vous. À la bonne heure !» répétèrent 200 ou 300 voix, quand la foule s'était multipliée, et René la maniait enfin comme un seul homme. « Venez nous chercher au premier coup de canon. À bientôt, monsieur René. Mort aux Anglais !»« Mort aux Anglais. Au revoir, mes amis. » Cette scène avait duré près d'une demi-heure. Notre héros regagna la maison de Bernard, en réfléchissant à sa trahison sans pouvoir se l'expliquer. Comment avait pu échouer ainsi, en un seul jour, 40 ans de patriotisme, de gloire et de vertu? Était-ce un accès de cupidité, de vengeance ou de folie? René se perdait dans cet abîme et oubliait ses propres émotions lorsqu'elles furent ravivées par une nouvelle surprise.